Quand j'suis dans le noir, en dessous de la lune, on n'a jamais rêvé de faire la une. En retard, j'ai bossé mes lacunes. Tout niqué car la vie j'en ai qu'une. Tu me verras dire tout le temps ça va, tant que j'suis pas mort ou en cavale. Moi j'étais pauvre si tu savais, aucune rentrée, pas travail. Là j'arrive à balle, j'te récupère ma belle. J'ai reçu ton appel, je reste pas, une famille sur les épaules. T'as ouvrir mon label. J'rame une carrette si, demain j'm'arrête si. J'suis parti ici, dans une autre galaxie. J'écoutais pas la psy, elle disait que j'allais mal, que c'était dans ma tête, à cause de mon enfance. Jamais rien demandé à la France, là j'suis dans la nature. À 18 ans, je dormais dans une voiture. Avant d'être grand, j'étais mature. 21 ans, dans un appartement, plus petit que mes rêves. J'ai laissé des larmes le soir, souvent la douleur qui me lève. Celle avec ma fille, j'avais même pas changé une couche. À chaque fois que je la regarde, dans le ciel, deux étoiles se touchent. Et en lui apprenant la vie, quelque part j'apprends aussi. Mais on voulait pas que je monte, on me disait non, c'est impossible. On me disait va ta fée, regarde-toi, tu fais de la peine à voir. Pas un pour un café, maintenant ce que j'ai, ils ne peuvent pas l'avoir. Qui c'est l'incapable, qui fait bande à part. Le petit prend sa part, j'achète quand ta part. Ta folle dans l'appart, j'suis jamais en perte. Depuis le départ, jamais fait de sieste. Aucune maison de cheese qui mange dans mon assiette. Faut brasser comme un citizen. Je reçois des nudes par dizaines, des marseillaises, des parisiennes. Je veux une fille bien pas une chienne, mais je crois que c'est dead. J'aurais dû marier avant d'être connu. Avec moi sans retenue, toute nue, toute la nuit détenue. Je veux planer dans les heures. Je leur fais pas confiance, ils me donneraient sans hésiter. J'ai toutes sortes de variétés sombres en réserve. J'ai que la musique dans la tête, venu pour la dette. Si tu parles mal, on s'en mêle, posé normal, toujours dans le réel. Tu sais à quoi je pense, high level. J'poursuis mes rêves, j'poursuis mes rêves. Quel bail, ça s'endort dans les bras du shaitan. C'est spécial, ce que j'fais c'est pas génial. Ce que j'inhale me rappelle que j'ai mal. Me rappelle que j'ai connu le vice, le risque. Et vu que je crois en moi, sur ma tête, je mise. Donc j'ai suivi ma voie et j'ai vu leur vice. Oh mon Dieu, la douleur me paralyse.